la page blanche. C'est tout le soir, on m'attend tous un peu la suite. La page blanche, c'est dans le noir, qui ne cherche pas à l'écrire. Je l'écrirai, même à minuit, traverser les villes et les villes. Je l'écrirai jusqu'à l'ennui, traverser les villes pour la vie. La page blanche, c'est dans la nuit, on attend tous un peu la suite. La page blanche, c'est comme la vie, qui ne cherche pas à l'écrire. Je l'écrirai, même à minuit, traverser la vie et la vie. Je l'écrirai jusqu'à l'ennui, traverser la vie pour la vie. La page blanche, c'est dans la rue, on cherche un endroit où allez. La page blanche, comme ces cornues, qui voudra bien les rhabiller. Je l'écrirai, même à minuit, traverser la vie. Je l'ai.